Bonsoir et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Le parti Iprona appelle la Commission électorale nationale indépendante et CENI de proclamer les résultats du référendum du 17 mai courant afin de lever les inquiétudes liées aux irrégularités observées. Vous entendrez le porte-parole de ce parti. L'Association pour la dignité et la solidarité ADS Nyingi, regroupant les familles rescapées des massacres de Kivyuka en commune Musigati de la province de Bubanza, plaide pour la construction d'un monument en hommage des victimes. Le président du syndicat national du personnel paramédical et d'appui de la santé, SINAPA, considère que la journée mondiale des infirmiers, célébrée le 12 mai, est une occasion de l'auto-évaluation pour les infirmiers affichant un comportement indigne dans l'exercice de leur métier. Le reportage du jour nous mène en province Ngozi, où les femmes adoptent de plus en plus le regroupement dans des coopératives. Ainsi, une soixantaine de femmes de la coopérative de Shigikirane de la ville d'Ngozi subviennent facilement aux besoins de leur ménage. Voilà pour le sommaire de ce journal, mis en onde par François Akimana et présenté par Alain Désiré Boukéenèze. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Nous débutons ce journal par la page politique. Le parti Iprona se dit satisfait du déroulement du scrutin référendaire tenu jeudi le 17 courant. Selon Olivier Nkurunziza, porte-parole du parti Iprona, même les irrégularités observées ne sont pas de nature à mettre en cause les résultats de ce scrutin. Il demande néanmoins à la Commission électorale nationale indépendante et CENI de proclamer les résultats du vote pour éviter des inquiétudes. Suivez plutôt Olivier Nkurunziza, porte-parole du parti Iprona, au téléphone avec Pascal Nyoyanghunzi. Nous apprécions la tenue du scrutin du 17 mai 2018. C'est le scrutin qui s'est passé dans la paix et dans la sérénité. Et le parti Iprona avait des mandataires sur tous les bureaux de vote. Et nous avons constaté que effectivement les Burundais ont voté en paix sans être influencés. Nous avons remercié tous les partis politiques et les coalitions des indépendants qui ont participé dans les élections. À notre constat, nous avons vu que tout le monde sur télé, personne n'a été empêché de donner sa position. Bien sûr, il peut y avoir des confrontations quelque part, et nous avons donné le conseil depuis longtemps que sans quand il y a ce genre de problème, qu'on s'asseye ensemble, et je pense que cela a été fait. Et le parti Iprona alors est satisfait du résultat, et nous encourageons les Burundais d'aller vers l'avant. Nous encourageons les Burundais de continuer dans ce sens. Et je pense que des problèmes de ce genre, quand il y a un problème, il faut saisir les instances habilitées et contester dans les voies normales connues par la loi burundaise et non pas créer des soulèvements au niveau de la population. Certains parlent d'un retard dans la programmation des résultats. Quelle est votre appréciation? Au niveau du parti, prenons ce qui est essentiel, ce n'est pas le retard, mais plutôt c'est de nous donner le résultat qui reflète la réalité. Au niveau de la saisie, nous leur demandons bien sûr de tout faire pour effectivement donner le résultat qui reflète la réalité qui a été faite sur le terrain. Et je pense au niveau du retard, bien sûr, toute la population burundaise sont impatientes pour savoir le résultat. Mais je pense que ce n'est pas trop tard. Mais bien sûr, le Burundi, c'est un petit pays qui ne peut pas prendre plus de deux semaines, d'un mois pour compter les voix. Je pense qu'aussi, très prochainement, la CENI va nous communiquer les résultats définitifs. Et je pense que ce qui est essentiel, c'est de nous donner des résultats qui sont conformes avec ce que les Burundais ont voté. Continuons avec la justice transitionnelle. Le représentant de l'Association pour la dignité et la solidarité ADS Nkingi, regroupant les familles rescapées des massacres survenus au marché de Kivyuka en commune Musigati de la province de Bubanza, plaide pour la construction d'un monument pour enterrer dignement les restes de ces victimes qui ont été déterrées lors de la construction de la route Bubanza-Ndola. Il a dit ce samedi à Kivyuka lors de la commémoration du 22e anniversaire de ces massacres. Spes Caritas Kabanyan. Il y a 22 ans que 408 personnes qui se trouvaient au marché de Kivyuka en commune Musigati ont été massacrées. C'était en date du 3 mai 1996 en pleine guerre. Le représentant de l'Association pour la dignité et la solidarité, ADES Nkingi, regroupant les familles des victimes et des rescapés, demande qu'un monument en mémoire de ces victimes soit construite à la place même du marché où elles ont été tuées. Radi ce samedi à Kivjuka, au moment où on célébrait le 22e anniversaire de ces massacres. L'objectif principal est de faire le plaidoyer pour que les restes des victimes des massacres de Kivjuka puissent être exhumés et enterrés dans toute dignité. Ça fait 5 ans, jour pour jour, que les restes des victimes ont été déterrés lors de la construction de cette route sur laquelle nous sommes. Ça fait 5 ans, jour pour jour, que ces restes sont entassés dans des cercueils. On aimerait que le 23e anniversaire des massacres de Kivjuka soit commémoré ayant déjà enterré ces restes. Nous nous rassemblerons autant de fois que cela sera nécessaire pour demander que ces restes puissent être déterrés et enterrés avec dignité. En 2013, les restes de ces victimes ont été déterrés lors de la construction de la route Bouvanzandora et restent entassés dans 11 cercueils dans un vieux local de la zone Kivjuka. Spécialitas Kavanyana à Kivjuka, en commune Musigati, pour la radio Isanganiro. Et sur la page des droits de l'homme, la communauté batwa du chef-lieu de la province Karusi refuse que le corps d'un certain Kubwami de cette communauté, tué sur la colline Mureza, commune Buhiga de la province Karusi, soit enterré avant l'arrestation des auteurs de son meurtre. La victime a été tuée jeudi par la population l'accusant de vol, mais sans butin, comme le confirment les sources policières. Blaise Pascal, Kararumi. C'est ça, samedi soir, que l'administrateur communal de Wihiga et la police avaient organisé l'enterrement du corps de Kubwami à Moutoua de la colline Mouhueza, commune Wihiga, province Karusi. Mais la communauté batwa du chef-lieu de cette province ont refusé cet enterrement. Même le matin de ce dimanche, cette communauté a refusé que l'administrateur communal, en collaboration avec la police, aille enterrer son corps au cimetière. La communauté indique qu'elle ne peut pas accepter l'enterrement de son corps de cet homme, père de deux enfants, avant que les auteurs de sa mort ne soient arrêtés. Bujana Jean-Paul, un des responsables de cette communauté de la commune de Wihiga, et aussi Anneli Collinaire, du chef-lieu de la province, dit que cet homme est mort accusé de vol, une accusation qu'il qualifie de gratuite, disant que c'était pour seulement le tuer et en expliquant qu'aucun butin n'a été trouvé. On indique que cet homme a été battu en rond à mort et puis conduit dans la commune Nyabikere où on l'a retrouvé agonisant, mais aussi ligoté au niveau des bras, au niveau de la jambe. C'est l'administrateur communal de Wihiga et l'OPJ qui ont été sur place et ont conduit le cadavre à la morgue du centre de santé du chef-lieu de la province. Ainsi, depuis ce matin, la communauté a refusé que l'enterrement soit lié. L'administrateur communal Efrazi Nakarutimana explique que, en collaboration avec le comité mixte de sécurité des collines environnantes, ils sont à la recherche de ceux qui ont bâti cet homme à mort. Mais la communauté batwa dit qu'il ne sera enterré qu'après avoir retrouvé les auteurs. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararumiye pour Radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Continuons avec la santé. C'est ce samedi qu'a été célébrée au niveau national la Journée internationale des infirmiers, journée célébrée normalement le 12 mai de chaque année. Les cérémonies se sont déroulées au chef-lieu de la province Ngozi. Dans son discours, le président du syndicat national du personnel paramédical et d'appui de la santé publique, SINAPA, a précisé que c'est une bonne occasion de s'auto-évaluer parce qu'il y a certains infirmiers qui affichent un comportement indigne dans l'exercice de leur métier. Reportage signé Gertrude Mawenayo. C'était l'ambiance qui régnait ce samedi au chef-lieu de la province de Ngozi lors des cérémonies marquant la Journée internationale des infirmiers, journée célébrée au niveau mondial le 12 mai de chaque année. Le thème retenu pour cette année est « La profession infirmière, une voie faite pour diriger la santé est un droit humain ». Mélance Akizimana, président du syndicat national du personnel paramédical et d'appui de la santé publique, dans son discours, indique que c'est une occasion de s'auto-évaluer parce qu'il y a des infirmiers qui affichent un mauvais comportement dans l'exercice de leurs fonctions. Il y a parmi nous ceux qui font honte à notre famille d'infirmiers à travers des actes indignes par rapport à notre métier. Là, je peux dire les infirmiers qui se présentent au travail en état d'ivresse, ceux qui insultent les patients, ceux qui sont arrogants et ceux qui maltraitent les patients à cause de leur pauvreté. Nous voudrions voudrions vous rappeler que la vie humaine est un don qu'il faut garder soigneusement. Personne n'a le droit de la traiter comme il veut, encore moins nous les infirmiers. Nous vous invitons à suivre l'éthique et la déontologie qui nous ont été léguées par Florence Nightingale. Ça a été aussi l'occasion d'adresser leurs doléances au ministère de la Santé où ils demandent la mise en application des lois régissant leur métier et mettre sur la liste des journées célébrées annuellement au sein du ministère de la Santé la Journée internationale des infirmiers. Pierre Clavin Ndaye-Hérégé, directeur général de planification au ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, les tranquillise que leurs doléances seront soumises au Comité national du dialogue social. Ubushikiranganje burazi kandi buremeza neza ko ibiganiro bifite. Le ministère est conscient de l'importance du dialogue social dans le but de la prévention ou de la résolution des conflits liés au travail. C'est pourquoi, en se basant sur les objectifs du Comité national de dialogue social CNDS, une institution pareille a été mise en place au sein du ministère de la Santé publique. Nous continuerons à suivre de près vos doléances en collaboration avec vos représentants, sans toutefois oublier tout ce que vous avez déjà évoqué à travers le dit comité. Les infirmiers réunis au sein du syndicat SINAPA ont profité de l'occasion pour se joindre à certaines malades de l'hôpital autonome d'Ngozi à leur octroyer une aide constituée de savon, sucre et biscuits. Gertrude Mawenayo, certains administratifs à la base en province Gitega accusent de complicité dans la fabrication des boissons prohibées. Le gouverneur de cette province dit néanmoins qu'ils sont à l'œuvre pour éradiquer ces boissons qui ont des effets néfastes à la santé. Vena Manirambona informe d'ailleurs qu'il y a des administratifs qui ont été suspendus dans leurs fonctions à cause de cette infraction. Suivez. Vous savez que c'est un programme du gouvernement, tout le monde est mobilisé pour lutter contre ces boissons. La première étape a été l'étape liée aux sensibilisations de la population d'abord pour qu'ils reconnaissent que ces boissons prohibées ne sont pas bonnes pour notre santé. Et ça se remarque puisqu'il y a eu des gens qui ont trouvé mort suite à ces boissons prohibées. C'est pour cette raison que nous avons travaillé même ici dans notre province. Nous sommes satisfaits du pas franchi, même s'il y a des gens qui continuent à le faire clandestinement et ils peuvent aller fabriquer au niveau de la brousse, au niveau des rivières ou dans les cimetières même. Donc, c'est très difficile d'éradiquer totalement, mais nous sommes toujours engagés pour qu'il y ait zéro fabricant et consommant des boissons prohibées. Je vous informe qu'il y a eu beaucoup de chefs de colline, même certains éléments de la police qui ont été punis suite à l'ignorance, alors qu'ils devaient contribuer pour lutter efficacement à ces boissons prohibées. Donc, c'est une activité qui continue. À propos de l'appel du président de la République qui veut que tous les couples en union libre soient régulièrement inscrits à l'état civil, le gouverneur de Gitega indique que la plupart des couples concernés se sont déjà fait inscrire, tandis que la sensibilisation continue pour les couples de personnes âgées qui se montrent encore récalcitrants. Jusqu'à présent, nous sommes satisfaits du pas franchi puisque nous sommes à un taux supérieur à 97%, donc c'est satisfaisant. Même si nous souhaiterions que tous les ménages en union libre doivent régulariser pour être dans la loi. Ce qui reste, on constate que ce sont les femmes qui ont été abandonnées par leurs maris, les ont laissées au niveau des collines, de leurs collines pour aller dans les villes. Il y a aussi des vieux et vieillards qui disent qu'ils viennent de passer beaucoup d'années ensemble, que pour le moment, ils ont confiance l'un à l'autre. Donc, c'est le cas qu'on remarque, mais nous continuons à sensibiliser pour que tous les ménages en union libre puissent être dans la loi par la régularisation. À la source, reportage. Une soixantaine de femmes associées dans une coopérative dénommée Dushigikirane, basée au quartier Shikiro dans la ville d'Okiteka, dans la ville d'Ongozi plutôt, témoignent que depuis qu'elles sont associées, elles subviennent aux besoins de leur ménage. L'administrateur de la commune Ngozi, Songambele Rajabu, dit que l'administration s'attelle à conseiller les femmes regroupées dans différentes associations à mettre en avant le développement familial et l'épargne pour les besoins ultérieurs. Joseph Sabiabandi, reportage. Nous sommes au siège de la coopérative de Shigikirane au quartier Shikiro de la ville d'Ongozi. Les commerçantes de riz qui sont membres de cette coopérative témoignent que depuis qu'elles ont intégré cette coopérative, elles subviennent à leurs besoins et à ceux de leur famille. Pour le moment, je peux avoir du savon facilement, ce qui n'était pas le cas au moment où j'étais cultivatrice parce que j'attendais la moisson pour pouvoir satisfaire mes besoins. Mais aujourd'hui, quand j'exerce mon petit métier de commerce, je peux avoir du savon facilement. Malgré ce changement, des défis ne manquent pas. La présidente de la coopérative de Shikikirane dit que le problème majeur, c'est qu'elles n'ont pas encore mis en commun leurs capitaux. Même si nous sommes réunis dans une coopérative, chacune travaille pour soi. Cependant, il y a un changement. Quand je compare la situation actuelle de chaque commerçante par rapport à la situation dans laquelle elle était quand elle a intégré la coopérative, c'est vraiment différent. Elles dépendent de personnes. Aujourd'hui, elles peuvent s'acheter de savon, se payer le loyer et nous assistons nos maris pour subvenir aux besoins familiaux et ainsi prouver que nous sommes devenus commerçantes. Parmi les bénéficiaires des retombées positives de cette coopérative figurent les hommes qui y sont engagés. Nyonghu Shadrak est parmi eux. Il indique qu'une femme qui s'associe aux autres dans des associations est une femme de valeur. Quand une femme reste au foyer, elle est improductive. C'est son mari qui s'occupe de tout. Il achète le savon, le sel et d'autres produits, mais celle-ci, quand elle rentre avec le sel, l'huile et le mari achète le reste. Une femme qui travaille a une valeur, mais parfois, les femmes riches rendent la vie difficile au foyer. Qu'elles se gardent de mépriser leur mari. Songambele Rajabu est l'administrateur de la commune Ngozi. Il dit que l'administration joue le rôle de conseiller. Il précise qu'elle conseille les femmes en association de promouvoir, entre autres, l'épargne. Quand elles intègrent des associations, c'est pour s'autodévelopper et développer leur famille. Quand on échange avec elles, elles témoignent qu'avant, elles n'avaient pas de vision. Par exemple, louer un champ pour cultiver. De notre côté, nous leur conseillons de toujours penser à l'épargne. Les membres de la coopérative de Shigikirane disent qu'elles attendent un moulin promis par l'organisation Prodéfi pour mettre en commun leurs capitaux. Joseph Sabiabande, c'est par ici que s'achève ce journal, mais je vous en rappelle les titres. Le parti Iprona appelle la Commission électorale nationale indépendante de proclamer les résultats du référendum du 17 mai courant afin de lever les inquiétudes liées aux irrégularités observées. L'Association pour la dignité et la solidarité ADS Nyingi, regroupant les familles rescapées des massacres d'Okivyuka en commune Musigate de la province de Bubanza, plaide pour la construction d'un monument en hommage des victimes. Et le président du syndicat national du personnel paramédical et d'appui de la santé, SINAPA, considère que la journée mondiale des infirmiers célébrée le 12 mai est une occasion de l'auto-évaluation pour les infirmiers affichant un comportement indigne dans l'exercice de leur métier. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à François Akimana pour la mise en onde. Le journal vous a été présenté par Alain Désiré Boukeyeneza. Bonne soirée à tous. Au revoir.